Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 46. J'espère que tous vous, les petits amis, allez super bien. C'est un nouveau spectacle qui commence ce matin. Café à la main, j'ai oublié de le mettre dans une pinte de bière cette fois-ci, mais c'est pas grave. Ah, ça fait du bien. Je le commence, mon café, là, il est tôt le matin. J'ai mis mon cadran ce matin pour me lever plus tôt pour pouvoir enregistrer parce que je m'en vais travailler. Et puis, c'est ça, donc le travail, c'est bien plaisant. Présentement, j'ai recommencé à travailler à temps plein chez Retro MTL parce que mon plus jeune va au camp de jour. Alors, au mois de juillet, mon plus vieux reste à la maison, est capable. Donc là, j'ai tout le mois de juillet dans lequel je peux travailler. Donc, ça me fait vraiment du bien là, d'aller là-bas, puis ça roule au bout. Les ventes sont bonnes, ça, je suis vraiment content. Merci à vous si vous nous achetez des jeux. Et puis, ça roule là-bas, là, une vraie ruche. Là. Donc, c'est bien plaisant. Puis, c'est ça. Donc, moi, ça me fait vraiment du bien d'aller travailler, mais j'ai aussi des petits contrats à faire au travers, puis toutes sortes d'affaires. Donc, disons que je suis pas mal occupé le soir et le matin. Et puis, c'est pour ces diverses raisons-là que j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire. Mais j'ai mis mon cadran et puis je voulais enregistrer quelque chose ce matin. Donc, on est mardi le 7 juillet et puis il est 8h30 du matin et me voilà. Donc, je vais commencer le spectacle en mentionnant à mes Patreons qu'il y a eu des ajustements si jamais il y en a qui n'ont pas vu. Les messages, j'ai écrit un message à tout le monde et puis j'ai fait un message pour tout le monde que tout le monde a reçu en fait. Et puis j'ai fait un post aussi sur Patreon. On oublie aussi que ça, on peut faire des posts là-dessus comme sur Facebook. Alors j'ai fait ça pour annoncer que j'ai changé mes tiers. Les tiers, dans le fond, c'est des catégories de que tu choisis. Des catégories de contributions. Donc, j'en avais une à 2$ qui était juste 2$, merci. Il y en avait une que c'était 3$ et ça donnait accès en exclusivité à mon podcast et mon channel Discord. Et une à 20$ qui donnait une carte cadeau de 10$ chez Retro MTL et accès à mon Discord et le podcast en exclusivité. Donc, c'est ça. Par contre, comme je mentionnais au dernier show, je trouvais ça un peu compliqué à gérer tout ça, puis je trouvais que le plus-value n'était pas là vraiment avec l'exclusivité du podcast parce que la plupart du monde veut juste l'entendre le plus rapidement possible, tu sais, y compris les Patreons. Je veux dire, les Patreons, ils me l'ont dit, ça leur dérange pas de ne pas avoir une exclusivité de 2 jours, 3 jours, tu sais, donc c'est ça. C'est pas tant un plus-value finalement. Donc, pour mettre ça tout plus simple, j'ai effacé tous ces tiers-là, et puis j'ai mis un tiers à 1$ de base, et puis vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Donc si vous voulez contribuer, puis m'encourager sur mes plateformes, qui sont pas mal rendues juste le podcasting pour l'instant, et il faut que je travaille pour survivre, vous pouvez mettre 1$, ou 400$, ou 2$, vous mettez ce que vous voulez. Et puis ceux qui étaient dans les tiers que j'ai effacés, votre contribution reste. Donc, ceux qui mettaient 2$, ça reste. Ceux qui mettaient 3$, ça reste. Puis ceux, attention, c'est surtout à vous que je m'adresse, qui mettaient 20$, ça reste, mais il n'y a plus la carte. Donc, si vous voulez, si vous mettiez 20$ dans le but de me donner 10$, à retourner mettre 10$ ou moins, mettez ce que vous voulez, en fait. Mais je veux juste vous dire que ça reste à 20$ puis qu'il n'y a plus de carte. Donc, checkez ça. Très important. Alors voilà, donc j'ai cleané ça un petit peu, puis j'aime ça de même, j'aime ça plus simple, c'est plus ouvert, c'est comme pour Retro Nouveau dans le fond, donc les gens ils mettent ce qu'ils veulent, 1$ minimum. Donc merci à tous ceux qui contribuent, c'est chaudement apprécié, et puis je vais continuer à enregistrer ce beau petit podcast là, autant que je peux en me levant très tôt le matin présentement. Le soir c'est dur. Hier soir, je travaillais dans mes affaires puis tout, fait que... parlant de travail, en fait, vous avez vu, j'ai fait une publication sur ma page Facebook concernant une illustration de Tom Dubois pour le jeu Panzer Paladin de nos amis Tribute Games, donc Tribute Games, studio montréalais, qui ont fait Mercenary Kings, qui ont fait, voyons, Flint Hook, que vous connaissez. Mercenary Kings, c'est le jeu qui a le plus grand succès. Curses and Chaos, avant ça Wizorb, et puis Ninja Senki, que j'aime beaucoup. Bref, un beau petit studio qui fait des jeux très, à saveur très rétro. Et ils travaillent sur Panzer Paladin, qui va ça, être annoncé bientôt, d'après moi, qui va sortir bientôt d'ailleurs. Donc ça, c'est très excitant. Mon collègue et ami Fred Gémus travaille là-dessus. Fred, il est à Retro Nouveau et puis chez Retro MTL, parce qu'il travaille chez Tribio. Et on a un ami aussi, Éric Lafontaine, de la commission des geekers. Et cool guy de ce monde qui travaille là aussi. Donc voilà. Et puis les gars de Tribio, ils se sont payés une illustration de Tom Dubois. Tom Dubois, c'est un illustrateur rendu assez âgé, mais quand même dynamique, qui a fait tout ce que vous connaissez de Konami. Toutes les pochettes et pubs de Konami que vous trouvez cool, c'est Tom Dubois. Il a son look à lui, je vais juste en nommer quelques-unes, il y en a vraiment beaucoup là. Bayou Billy, Blades of Steel, les Turtles 4 au Super Nintendo, Castlevania 3 au NES, Castlevania Bloodlines, Contra 3 des Alien Wars, Super C au NES aussi, Contra Force aussi. Je pense qu'il doit avoir fait Monsters in My Pocket. Il a fait du Genesis aussi, puis du Super Nintendo, bien sûr. Même il a été engagé de façon récente pour faire Contra Rogue Core et Curse of the Moon. Donc, Bloodstained Curse of the Moon, il a fait ça. Donc, ce gars-là, il est encore... Là, je fais juste nommer ces affaires-là, ça n'a pas l'air impressionnant, là, mais allez sur Facebook, puis allez voir mon post. J'ai mis un lien vers un documentaire, un court et très efficace et plaisant documentaire de Tom Dubois, et puis qui relate là, tout ce qu'il a fait, dans le fond. Et puis, ce gars-là, c'est un artiste, hein, fait qu'il n'y a pas vraiment d'Instagram, il n'y a pas vraiment de site web, c'est comme flou. Fait que sinon, googlez Tom Dubois Konami, genre, puis vous allez voir là, mille affaires. Donc, c'est ça, moi quand j'ai reçu Castlevania 3, je suis comme, oh, c'est bien beau ça, tu sais, comme, c'est tout du Tom Dubois, là, c'est malade. Fait que les gars, ils se sont payés une illustration de ce monsieur-là, puis ils l'ont annoncé, et puis ils se font de la promo avec ça. Et puis, le thème principal du jeu de Panzer, il y a un thème principal, là, la musique du jeu, quand tu pars la cassette. C'est encore mon ami Patrice Bourgeot qui fait toute la musique de Panzer Paladin. C'est lui qui a fait la musique de Flint Hook, Mercenary Kings, Curses and Chaos aussi. Donc, dans le fond, il fait toute la musique pour Tribute depuis le tout début. Il a fait la musique de tous leurs jeux sauf Wizard, il me semble. Donc, voilà. Et puis, c'est lui qui fait ça. Puis, le thème principal, les gars se sont payés une autre folerie. Ils ont engagé le groupe Power Metal, Power Glove, qui fait des covers de musique de jeux vidéo, pour refaire un cover, pour remixer, refaire version Power Metal, le thème de Panzer Paladin. D'ailleurs, il va falloir que j'annonce ça sur mes médias sociaux. Donc, deux gros trips, là. Une illustration de Tom Dubois, puis une track de Power Glove pour Panzer Paladin. C'est très badass. Fait que, dans le fond, moi j'en parle aussi parce que j'ai eu le privilège de travailler un peu avec cette illustration-là, entre autres pour faire la pastille comme Spotify là, de la musique, dans le fond. Quand vous allez sur Spotify puis vous allez sur le compte de Power Glove, l'illustration, bref, c'est moi qui l'ai comme reshrinké pour jouer avec. J'ai travaillé aussi avec cette illustration-là pour autre chose qui va être annoncé bientôt. Donc, il y en aura peut-être plus aussi. Alors, je suis très honoré d'avoir été mandaté par Tribute Games de pouvoir utiliser le visuel du légendaire Tom Dubois pour faire des pièces de communication pour Panzer Paladin. J'ai ça dans mon ordi, là présentement. Là, je vais dans mon ordi, je m'amuse avec... c'est une illustration vraiment grosse, tu sais, la résolution est vraiment... ça. Est vraiment haute, donc on voit le robot là-dedans qui s'appelle Grit. Il est comme en arrière-plan, mais tu sais, comme je peux comme zoomer sur sa tête pour qu'elle soit grosse comme l'écran ici, puis on la voit numéro 1, là, tu sais. Puis la fille qui est dans Grit s'appelle Flame, et puis les boss, je me rappelle plus comment ils s'appellent, il y a des boss, puis tout, en tout cas. C'est très très cool tout ça. Donc, j'étais bien content et très heureux quand Eric m'a poké pour que je puisse travailler là-dessus. prendre une petite gorgée. Parce que, ouais, ça fait un bout, en fait, que je suis là-dessus, mais tu sais, c'est un mois et quelques. J'ai pas travaillé pendant un mois, là, mais mettons, on fait un truc, je l'envoie à approbation, nanana, après ça, il y a deux semaines d'attente avant l'autre truc. Fait que bref, j'ai des affaires qui s'en viennent, qu'il va falloir que je travaille là-dessus. Puis mon client aussi, mon client principal que j'avais pendant toutes mes années de pige, m'a envoyé des petites affaires dernièrement, donc je me tiens occupé avec ça. Entre autres, en plus d'aller travailler. Bon, hey, là c'est l'heure de parler de la réouverture de Arcade MTL qui a eu lieu vendredi dernier. Ça a été une vraie course de fou la semaine passée pour tout faire. Donc ça a été annoncé ça, je me rappelle quand exactement, un jeudi je pense, puis quand ça a été annoncé, on aurait pu ouvrir direct là, mais là, comme il n'y avait pas de délai, là, okay? Les bars peuvent ouvrir, j'entends encore le docteur, et puis, fait que go, il a fallu qu'on s'organise, fait que là, on a décidé de mettre du plexiglas partout, entre chaque arcade, chez Arcade MTL, il y a un plexiglas. Il y en a deux au comptoir pour payer, et puis il y en a un à l'accueil. Il y a du push là, désinfectant un peu partout dans le bar, il y a du Purel un peu partout dans le bar, il y a du Purel à l'entrée, il y a du Purel partout. On pourrait noyer un dinosaure dans le Purel, ça il n'y a pas de problème. Et puis on a comme réaménagé les tables, un peu enlevé des TV. Pour qu'il y ait le 2 mètres là, de maintenu le plus possible, ce qui est vraiment pas possible tout le temps, là, on s'entend là, quand on circule, mais quand même. Et on a vraiment travaillé fort là, pour être là, hyper sécure. Puis on a investi, ça a coûté plusieurs milliers, tout ça, là, le plexiglas, pas rien, il faut le trouver. Puis là, vu que tout le monde veut du plexiglas maintenant, ben, ça coûte cher. Alors, ouais, on a mis plusieurs milliers de dollars pour sécuriser toute la patente. Fait qu'on a fait ça toute la semaine dernière. On a réajusté les menus. Moi, j'ai fait du visuel aussi. J'ai fait le genre de petite bannière pour annoncer sur Facebook qu'on réouvrait. J'ai refait les affiches pour dehors. J'ai réajusté les menus. J'ai quelqu'un d'autre patente que j'ai fait. Je ne me rappelle plus. En tout cas, on a couru partout. Retrouver le staff, coacher le staff, comment faire. Le staff aussi, il y a un masque, il y a une visière, tout le kit. On a tout ça, là, tu sais. La grosse affaire. Et puis, il y a eu un dégât de bière, dans le fond. Il y a de la bière qui s'est renversée sur le plancher. Donc là, ça a fait un fuck, ça a réglé encore. Mais on y est arrivé quand même. Fait que j'ai pu annoncer vendredi midi, quand on était sûr que tout était correct, qu'on ouvrait vendredi soir. Puis là, j'étais bien excité, mais on était understaff. Fait qu'Éric Hébert, il s'est proposé de venir aider pour l'accueil. DJ Eric de Chussou. Fait que je review Geek Collectif, le Star Trek. Podcast qui fait plus souvent avec Mario. Éric qui a bien des projets. Mon grand ami. Alors, il était là, j'étais là. Élie Rodrigue, un de mes amis partners aussi du bar, il était là. Bref, Joe Brochu, Johnny Gretis. On était une petite gang de gars, puis d'amis dans le fond. Puis on attendait que ça ouvre. Et puis finalement, personne n'est venu. Hey, c'est le fun. Il y a eu à peu près 8-10 clients tout au long de la soirée, maximum. À part nous, les chummers qui étaient là, il y a d'autres amis à nous qui sont venus, tu sais, comme pour encourager l'ouverture et tout. Mais je suis rudement déçu, sérieux, j'étais sûr. Je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de monde, tu sais. C'est comme c'est la réouverture, le post Facebook avait eu une bonne réaction. J'ai pris des photos après ça de tout le plexiglas et des affaires. J'ai posté ça sur Facebook. Venez, c'est à soir, blablabla. Et puis, je m'attendais à ce qu'il y ait un line-up dehors, là, quelque chose, là. Puis, pas personne. Il n'y avait personne. C'était dégueulasse. Fait que là, bon, je me suis dit, OK, on l'a annoncé ce matin, ce midi. Les gens, ils ont déjà des plans, tu sais. C'est comme too soon, là. C'est trop proche de la date, là. Le monde, ils ont déjà d'autres choses à faire. Mais demain, c'est samedi. Donc, le lendemain, c'était samedi, c'est ça que je veux dire. Et puis, le samedi, c'est tout le temps les grosses soirées. Puis, on maintient nos heures, hein. Donc, on était ouvert la fin de semaine à partir de midi. Et puis, samedi, personne n'est venu non plus. 15 personnes. Fait que ça fait des... Tu sais, dans le monde des bars et des restaurants, puis tout, c'est vraiment la fin de semaine que tu fais ta grosse argent, dans le fond. Puis si tu réussis à avoir des bonnes soirées en semaine, ben là, c'est là que ça devient encore plus payant et que c'est plaisant. Mais quand ton samedi soir devient pire qu'un lundi normal, là, ça va très mal. Donc, je me suis rendu compte que les gens semblent pas prêts à sortir dans les bars. Ça dépend lesquels, j'imagine. J'habite à côté de Masson. Et puis ici sur Masson, le pot Masson qui est pas loin de chez moi, c'est full de monde, tu sais, mais c'est très resto en fait. Là. Donc j'ai l'impression que le monde va plus dans les restos, dans les bars un peu plus petits comme le nôtre, peut-être moins, je sais pas. Mais c'était vraiment. C'est très moyen présentement, là. C'est très très très moyen. Dimanche, bien sûr, pas personne. Lundi, qui était hier, là, j'ai pas eu le rapport, c'est sûr qu'il n'y aura pas personne. Fait que je pense qu'on va devoir changer, réduire les heures, peut-être même fermer du lundi au... fermer lundi-mardi, puis ouvrir juste du mercredi au dimanche. Et puis ne plus ouvrir dans le jour la fin de semaine, puis fermer à minuit tous les soirs, sauf le jeudi, vendredi... Et samedi qu'on pourrait fermer à 3h maximum s'il y a encore du monde rendu là. Donc c'est ça. Mais là, dans le fond, depuis qu'on était fermé, on a fait que perdre de l'argent. Là, on réouvre pour essayer de stopper l'hémorragie. Mais il faut faire des ventes suffisamment pour ça, là, tu sais. Puis là, des journées comme dimanche ou des journées comme lundi, hier, on perd de l'argent à être ouvert, en fait. On perd plus d'argent à être ouvert parce qu'on paye du staff pour du monde qui ne vienne pas. Alors, donc, il va falloir qu'on recalcule tout ça, là, parce qu'on peut pas comme perdre plus d'argent que quand on est fermé, ça n'a pas d'allure. Là, l'argent, c'est pas illimité, là, non plus, là. Donc, c'est très inquiétant. Puis là, il y a eu un fuck-up, là, au 10-30 dans un bar. Tout le monde a pogné à COVID. Là, ça a mis le feu aux poudres, ça, tout le monde s'est mis à capoter. Puis là, il y a eu une conférence de presse là-dessus hier. J'étais au magasin, j'essayais d'entendre un peu ce qui se disait. Là, il y avait du bruit, mais de ce que j'ai compris, ils vont annoncer d'autres mesures jeudi. Plus de surveillance dans les bars, puis ce genre d'affaires-là, des sanctions, whatever. Ça m'inquiète pas parce qu'on est vraiment by the book, là. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des cabochons qui font n'importe quoi, comme dans ce bar-là, ça arrive sud, qui ont un DJ, un dance floor, puis tout. Nous autres, on n'a pas de tournoi, pas de DJ, c'est sobre, sobre. Et puis, ben, c'est nous autres qui écopent les autres propriétaires de bars pour les imbéciles qui sont pas capables de faire respecter, tu sais, ou qui veulent pas imposer des règles plus strictes, tu sais. Fait que ça décourage le monde encore plus de sortir d'un bar. Fait que là, c'est ça. Puis suite à tout ça, là, à Montréal, le masque va être obligatoire, je pense, à partir de la fin de juillet, partout. Partout, partout, partout. Donc là, en plus que on fait peur au monde avec les bars, puis si jamais tu sors de chez vous, tu mets ton masque absolument, c'est obligatoire, sinon t'as une étiquette. Qui c'est qui va venir, tu sais? Qui a envie de ça, là? Aller dans une place à plexiglas avec du monde masqué, comme assis-toi là, bouge pas, tu sais, comme. Calisse, man. C'est vraiment de la merde, sérieux. Fait que je sais pas, là, qu'est-ce qui va arriver de ça. Qu'est-ce que ça donne de rouvrir si personne vient, puis si les règles sont encore plus strictes parce qu'on est ouvert, tu sais. C'est un non-sens. Fait que. C'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec Arcade MTL, sérieux. Moi, présentement, j'ai beaucoup de difficultés à voir un côté... Il n'y a pas de positif, en fait, là. J'ai beaucoup de difficultés à me maintenir encouragé que ça va aller mieux. Donc, on a déjà perdu la moitié de nos avoirs en attendant de pouvoir réouvrir. Puis là, on réouvre, puis c'est pire, quasiment. Fait que c'est stressant, c'est de la gestion, puis on perd de l'argent parce que le monde ne vient pas. Fait que... Ça augure très mal, disons. Fait que si c'est en... Je sais pas combien de temps on va tenir ça, là. C'est sûr, ça fait juste 3 jours, là. Ça va peut-être pick-up un peu, mais on dirait que là, avec ce qui se passe aux nouvelles, on dirait que c'est l'inverse. On s'enligne sur l'inverse, là, tu sais. Donc, si ça va pas mieux, il va falloir faire de quoi, tu sais. Il va falloir faire de quoi? Il va falloir fermer, en fait. On n'aura pas le choix, j'ai l'impression, là. Là, moi, je connais rien là-dedans. Parce que j'ai jamais fait de faillite ou j'ai jamais fermé de commerce avant. Donc, est-ce qu'on ferme, on entrepose toutes les machines, on essaye de garder de l'argent, puis on est comme, alright, on réouvrira dans un an ou deux. ailleurs, le même nom, tout, tu sais, où on peut pas se laisser crever non plus, tu sais, puis faire faillite au bout de ça, c'est niaiseux. Fait que, écoutez, je sais pas du tout comment ça marche. En plus de ça, notre propriétaire est vraiment un trou de cul, là. Il nous fait du trouble. Tu sais, les taxes de municipales, on a le droit de les payer, genre, plus tard, là, à cause de la COVID pis tout. On a le droit de payer ça à l'automne. Lui, il nous l'a pris tout de suite. Le dégât d'eau qu'il y a eu, il exige que nos assurances payent pour ça alors qu'il n'y a même pas de dommages. Il a fait la demande au gouvernement pour qu'il y ait le rabais sur les. Pour qu'il y ait la subvention sur le loyer suite aux grosses pressions qu'on lui a faites pour le faire. Puis il veut nous charger 375$ pour sa secrétaire qui a fait la demande. Hey, c'est vraiment un tabarnak, sérieux, là. Puis là, il y a des fucking rats dans le sous-sol. Les rats commencent à grimper. Là, on a payé des exterminateurs. Mais là, c'est nous, les locataires, le meltdown juste en dessous, et nous qui payons les exterminateurs, alors que lui, il fait rien. Tu sais, le nid à rats, il est dans la cave, là. Il est pas chez nous, là, tu sais. Mais les rats, ils montent. Fait que là, nous autres, on les chasse, mais ça va pas se régler, ça, là. Mais il veut pas payer pour ça. Lui, il paye pour rien. Lui, le toit, il tomberait sur notre tête, il paierait pas, là, t'sais. Fait que, oui, le loyer est pas cher, mais il est pas cher pour un bar. Mais tabarnak, man, c'est un esti de trou de cul, là, sérieux, là, qui est... T'sais, j'ai quasiment envie de fermer, rien que pour dire, tiens, mange la marde, garde-le ton local, fuck you. Là, il est rendu à un point où est-ce qu'il nous fait vraiment chier, là. Sérieux, c'est pas drôle, là. Fait que lui, il voit pas clair, là, t'sais, lui comprend pas, lui, c'est juste le cash, là, t'sais. C'est un vieux bat, là, en plus, là. C'est un maintenant. Fait que non, lui, il pèse, là, sur le bobo, là, d'aplomb, là. À chaque fois qu'il peut, il pèse sur le bobo, là, t'sais, comme si ça allait pas assez mal demain. Fait que c'est vraiment de la crise de marde, présentement. C'est de la vraie marde sale. Et puis, c'est dommage, parce que tout allait tellement bien, t'sais. Tout était au top, tout était rodé. C'était notre 4e anniversaire, comme juste avant qu'on ferme. On allait faire le gros party. Cette année 2020, ça allait être une belle année, simple, efficace, plaisante pour moi, où est-ce que le magasin roule tight, l'arcade roule tight. Moi, je peux travailler, je peux comme me vider la tête un peu, puis t'sais. Puis là, ce virus-là vient tout fucker, là. Je suis pas sûr de mon avenir personnel. L'argent, c'est pas simple. Le bar qui allait si bien, il était sa coche, tout est parfait. Du jour au lendemain, tu te ramasses dans le fond du baril, tu sais. Comme, drette de même, là. Il n'y a aucun rien, là. C'est comme, ferme. Chris, ouais, ferme. OK, on ferme. Et puis, c'est terminé. Puis, on va probablement fermer définitivement, tu sais. Fait que, c'est comme ça. Sérieux, c'est vraiment pas drôle. Puis, c'est vraiment de la merde. Puis, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine de... Que en tout cas, on n'est pas fermé encore, là, mais pour vrai, comme je vous dis, le soir, je pense à ça, il faut que j'arrête de penser à ça, là, t'sais, on va s'ajuster, on fait ce qu'on peut, là, mais quand même, c'est dans ma tête, bien sûr, tout le temps, donc ça me fait bien de la peine de voir ça aller, là. On a travaillé fort en crise pour ça, puis on a un beau produit, puis on avait tout tel fun, tout allait bien, des souvenirs incroyables dans ce place-là, puis là, man, on est sur le bord du précipice. Puis ce qui est dur aussi pour moi là-dedans, c'est que moi, c'est une source de revenus pour moi, ça. Donc, c'est la moitié de mes revenus, normalement. Alors là, je suis sur la PCU puis tout, mais je recommence à travailler, mais je perds quand même ces revenus-là, t'sais. Fait que j'ai besoin de revenus, moi, là, pour arriver dans la vie, là. Donc, ça me fait très peur aussi. Je sais pas trop comment je vais m'aligner encore côté argent. Là, je vais rentrer à temps plein chez Retro MTL. Là, j'étais in and out pas mal. Fait que là, je vais être temps plein chez Retro MTL. Et puis, donc, je vais avoir mon salaire d'employé, je vais avoir mes dividendes, et puis je vais essayer de faire des petits contrats, justement, comme tribute ou bien mon client principal au travers, puis peut-être ça va suffire, là, je sais pas. Sinon, je vais prendre plus de contrats, ou sinon, je vais trouver une job à temps plein. J'en ai aucune idée présentement. Fait que, depuis le mois de mars, c'est que du néant, c'est que du flou, là, tu sais. C'est bien fatigant, tout ça, là, sérieux. C'est bien fatigant. Il y en a sûrement beaucoup parmi vous qui ont un travail, puis là maintenant ils travaillent de la maison, puis ça change absolument rien, et même qu'ils travaillent plus, puis c'est ça. Moi, c'est pas simple de même, là, sérieux, là, c'est vraiment. C'est pas simple, je dis pas que c'est simple pour vous, vous avez des enfants dans vos pattes, puis là, mais. Man, c'est quand t'es entrepreneur, là, tu manges tout le temps la merde, là, tu sais, c'est ça. c'est plaisant, tu sais, tu réalises des projets, t'as du fun, ça va bien, c'est comme des beaux accomplissements, c'est stimulant, tu sais. Puis en même temps, c'est fatigant, mais ta boire à chaque fois qu'il se passe de quoi, tu sais, c'est tout le temps la marde, elle me tombe sur la tête en premier. Fait que je trouve ça dur des fois, là. J'aurais comme besoin, on dirait des fois que. Je me plains souvent de ça, d'être pris en charge ou je sais pas quoi, là, tu sais, comme gérer. Je vais travailler, là, puis je poserai pas de questions. Donnez-moi de l'argent pour mon travail, s'il vous plaît. Merci, bonjour. Fait que, ouais. Donc, c'est un peu ça, là, la situation présentement, et c'est très. Bon, là, je suis en train de me mettre down. Faut pas. Ça fait juste 3 jours qu'on est couvert, et puis on verra bien, et puis tout n'est pas perdu. Donc, on verra. Mais, ouais. Ces temps-ci, je suis un peu étalé, là, mentalement, là, pour être franc, à cause de ça. Mais au moins, le magasin va bien. Ça, c'est très agréable. Colin, ah, c'est vraiment chiant. Mais ça m'empêche pas d'avoir des petits ajouts pour ma collection. Donc là, on va parler acquisition un peu. J'ai un petit peu de Game Boy qui est rentré. Et puis, c'est pas des grosses dépenses tout ça en passant, là, parce que justement, il faut que je limite mes dépenses. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 8 jeux Game Boy qui sont rentrés, ce qui me porte à la marque de 439 sur 506. Et puis, ça l'avance. J'ai pas encore fait le fameux call sur Internet d'aller poker tous les magasins que je connais au Québec et en Ontario, et puis d'aller sur des gros sites d'achat comme Lucky Games, d'affaires de même pour finir mes trucs, là, parce que je sais que j'en trouverai vraiment beaucoup, mais là, je veux juste comme économiser un peu. Mais ce que je vous présente ici, c'est des opportunités qui se sont présentées. J'ai mentionné dans le dernier show Final Fantasy Legend 3. Et bien, suite à ça, l'excellent Jérémy Carrière qui m'a écrit un message, un commentaire sur YouTube, sur mon dernier épisode, pour dire qu'il y avait un final. Hey, on le voit pas bien. Hein? Pour dire qu'il y avait un Final Fantasy Legend 3 au Game Boy. Là, je m'étais trompé. Moi, je disais que le label était tout mauve. Mais il est pas tout mauve. Il demeure avec un contour blanc, mais avec du mauve juste dans le milieu. Donc là, ici, on voit Squaresoft. C'est cette version-là que je veux. La révision 2, c'est la version publiée par Sunsoft. Donc, si on voulait vraiment Squaresoft. Donc, il est venu me porter ça. C'est un gars de la Rive-Sud. Et puis, il est passé chez Retro MTL. Il est venu me porter ça au magasin. Donc, j'étais pas là, malheureusement, à la fin de semaine. Je suis jamais là, en fait. Ou très rarement. Et puis, donc, je vais y faire un petit échange. Là, il voulait des t-shirts Arcade MTL, tout ça. Alors, voilà. Donc, ça, c'était un pas pire morceau là, qui me manquait depuis un bout. Il m'en est passé entre les mains, tout ça. Mais c'était tout le temps des Sunsoft où il était magané. Donc, là, celui-là est en parfaite condition. Donc, je suis très content. Merci beaucoup, Jérémy. Tu règles un beau problème. Marc-Antoine Cameron m'a acheté beaucoup de mes doublons de mon lot de Game Boy. Et puis, il m'a dit « Hey, t'as-tu ça, Bionic Battler? » J'ai dit « Non, il est dans mes missings. » Alors, c'est un... Hey, celui-là, j'aimerais ça qu'on le voit comme ça. Attendez, hein? Parce que la pochette est vraiment laide. Dans le fond, il faut que... Si je zoome out tranquillement... On l'a, là. Donc, voilà. C'est un genre de jeu donjon que t'avances, là, comme dans Shadowgate, là, tu sais, puis ce genre d'affaires-là. Puis, il y a des robots qui te popent d'en face, puis là, tu les punches, puis c'est de la bataille de robots dans un genre de corridor, dans des corridors. C'est vraiment... C'est très rapide, par exemple. Je l'ai essayé vite fait, j'ai rien compris, je me suis fait tuer, ça n'a pas été long. Mais on dirait qu'il y a quelque chose dans le jeu, là. Ça se pourrait que ça soit pas pire pantoute. Donc, Bionic Battler, c'est pas un... En passant, Final Fantasy, c'était à peu près 30$. Ça, c'est un jeu à 10$. Donc, je l'avais pas, et puis il m'a réglé ça, donc je suis super content. Et puis, j'ai vu aussi un post de Retro PJ Games. Ça, c'est un magasin à Québec qui est dans le marché aux puces Jean Talon, il me semble. Il me semble qu'ils sont tous là-dedans, le marché aux puces Jean Talon. Et puis, il y avait un post de Game Boy avec du nouveau Game Boy, donc j'ai regardé ça. Et puis, dans le fond aussi, Retro PJ, les partners se sont splittés dernièrement. Donc, Retro PJ, celui qui reste là, c'est Patrick Jacques, avec qui je deal ces temps-ci. Sinon, il y a Mike Routier qui a parti une autre affaire sur le site qui s'appelle Video Game Addicts, je crois. Je vais aller voir ça dès maintenant, il ne faut pas dire n'importe quoi. Attendez. C'est-tu Video Game Addicts? L'addiction, jeu vidéo, man. Video Games Addict. Alors voilà, ça c'est le projet à Mike Routier. Donc les deux gars sont splittés. Et puis, je voulais juste le mentionner, faire une petite plug à chacun d'eux. C'est des bien gentils garçons. Et puis, c'est ça. Donc, Pat, il m'a. J'ai dealé avec Pat et puis j'ai trouvé 6 jeux dans leur inventaire que je n'avais pas. En fait, il y en a un que j'avais. Et puis, c'est Lock and Chase. Cependant, j'avais le... Ah, ben, je veux... ah, il est trop loin pour que je vous le montre, là. Mais j'avais la révision 2, donc publiée par Sunsoft. Et puis, lui, il y avait la Data East, ici, que vous voyez, en haut à droite. Donc, ça, c'est ici le code, là. C'est... Il n'y a pas de tiret 1, donc c'est vraiment USC. Alors voilà, j'avais déjà ce jeu-là, mais lui, il avait la bonne version. Et puis, il est quand même en bon état, là. Je suis bien content. C'est un bon jeu, hein, ça, en passant. C'est un jeu, ça, c'est un genre de Pac-Man clone, mais à l'arcade, et puis qu'il y a eu à l'intellivision aussi. Bonne version à l'intellivision. Il y a eu, bien sûr, sa contrepartie à l'Atari 2600, qui s'appelle comment, non? Je m'en rappelle plus. En tout cas, mais c'est pas bon à l'Atari 2600. L'intellivision, c'est bien agréable. Et à l'arcade, j'ai jamais essayé. Mais c'est une franchise, ça existe. Et puis, c'est pas cheap. Et puis, cette version-là, est plus, c'est comme un peu Burger Time aussi au Game Boy. Tu sais, c'est plus, y a plus de stock dedans. Donc, dans le fond, d'Atari, c'est comme si on reprit ces deux franchises-là. Puis, on fait des bons petits jeux de Game Boy avec ça. Donc, très intéressant. Un jeu très mauvais ici. J'ai jamais aimé ça, moi, ce jeu-là. Pit Fighter. En passant, tous les jeux que je vous présente ici, c'est tous des jeux à 10$, à peu près. Donc, Pit Fighter, genre de jeu de combat d'arcade, très mauvais. Game Boy, encore plus mauvais. Je comprends pas comment jouer à ce jeu-là, j'ai jamais aimé ça. PGA Européen Tour. Étrangement, qui s'en met un late release, parce qu'il y a le petit logo de Game Boy Enhanced qu'on voit là. Hey, hein, c'est vraiment de la merde, mais ma caméra est pas capable de focusser. À partir de où est-ce qu'elle focus, l'écœurant? Ça va pas bien. J'ai même pas préparé mon autre setup pour vous montrer les jeux dans l'autre sens, mais en tout cas. Fait qu'un jeu de golf, Bill and Ted, excellente video game, adventure, c'est ça? Excellent Game Boy Adventure. Alors, hey, LGN, ça doit être bon ça, mon Dieu que ça doit être bon. Vous êtes fan de Chess Master, sachez qu'il y a The New Chess Master. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans, là, mais cette franchise-là, c'est bien. D'après moi, ils ont vendu pas mal des Chess Master pour en faire autant. Et puis, si vous aimez les échecs, hein, ça doit être bon. Moi, j'ai jamais été très bon aux échecs. Pas capable de calculer plus que 2 coups à l'avance. Je suis comme ça, moi. Je suis un être de feu. Pas un être. Je suis pas un vieux sage. Et puis, un jeu d'arcade, Race Drive-In, qui a eu un port Super NES, un port Game Boy, toutes sortes de ports, là, il me semble, sûrement. Oui, au Genesis aussi, bref, j'ai jamais joué à l'arcade, j'ai jamais joué à ça, je suis sûr que c'est mauvais. Mais en tout cas, je suis très heureux de dépenser tout mon pot d'argent sur ces cochonneries-là pour avoir le full set Game Boy. C'est très intelligent de ma part, je suis fier de moi, et puis, dites-le pas à mes enfants. Ah! Hop. Ah ben, avant de passer au stock qui provient de Retro MTL, j'ai tout le temps plusieurs notifications activées dans eBay pour compléter certaines choses à l'Atari 2600. Et puis, j'ai tous les jeux Picture Label de Atari 2600, y compris le fameux Blackjack, qui est rare comme ça se peut pas. J'ai fait mention de ça l'année dernière et tout, donc voilà. Mais là, le monde sur Atari Age, il risait de moi parce que finalement, il m'en manquait un. Puis c'est vrai, j'avais complètement oublié. Il me manquait la version jaune de Breakout. Alors voici Breakout version traditionnelle et voici Breakout version orange en fait. Attendez. Hein. Donc vous voyez cette version orange. est vraiment beaucoup plus rare, puis je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un late release, I guess. C'est pas un PAL, parce qu'il y a un Defender bleu poudre aussi qui existe, mais celui-là, il est européen. Mais ce breakout-là, il est US. Donc, il est legit dans la série des picture labels. Donc, c'est une très belle chose, sérieux. Et puis, étrangement, je l'ai eu à bon. Oups, c'est celui-là qu'on va continuer de montrer. Je l'ai eu à bon prix. Avec le shipping, douane, tout le gossage, une quarantaine de piastres, je dirais. Donc, c'est très bon parce qu'il y en avait à 100 piastres sur eBay et plus. Donc, il y en a. C'est pas que c'est rare parce qu'il y en a, mais ils sont tout le temps à des prix quand même assez élevés. Donc, celui-là, c'était un buy it now à prix très raisonnable. Ça venait aussi avec le livret d'instructions qui, je crois, est le même pour l'autre version. Pour toutes les versions de Breakout, en fait, que tu aies le picture, le texte ou bien l'orange, c'est tout le temps le même. Donc, instructions. Donc, voilà, très belle pièce, ça. Genre d'affaire qui me rend heureux. Fait du bien. Fait du bien, un petit jeu Atari de temps en temps. Tout le reste provient de chez Retro MTL. On a acheté dernièrement un très gros lot à notre ami Maxime Godbout, l'heureux. L'heureux Godbout ou Godbout l'heureux, je me rappelle plus. God Québec, certains d'entre vous le connaissez bien. C'est un gars qui fait de la vente de jeux vidéo aussi, comme de par lui-même depuis longtemps. Et puis là, il voulait slacker un peu là-dessus où il y avait de l'overstock. Et puis il nous a vendu tout son overstock. Maxime, en passant, qui est aussi le seul gars que je connais qui a un full set de Super NES complet en boîte. Ça, il faut le faire. Il a travaillé là-dessus pendant très longtemps. Je pense pas que c'est pensable de commencer de nos jours full set Super NES en boîte, alors que tout le pire des jeux en boîte, c'est 40-50$, tu sais. Puis t'en as des centaines comme ça à acheter. Donc, c'est un projet qui travaille dessus depuis très longtemps, puis il l'a fini, ça fait déjà un an ou deux. Donc, chapeau, c'est quand même. Il doit pas avoir beaucoup de monde dans l'univers qui ont ça. Alors, très cool guy, collectionneur solide et puis très gentil. Puis, il nous a vendu beaucoup de stock parce qu'il veut se lancer dans l'immobilier, ce qui est une sage décision. J'encourage tout le monde qui ont les moyens et le désir ou qui pensent peut-être à se lancer dans l'immobilier, à du moins acquérir quelque chose. Vous allez voir, c'est un levier ça va vous aider dans la vie, hein, si vous achetez pas n'importe quoi. Je perds mes mots ce matin, ça va mal, j'ai pas retrouvé mes mots. Donc c'est un très beau lot, et puis je veux le mentionner aussi chez Retro MTL présentement. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est le déménagement, whatever, ou l'après-COVID, je sais pas, mais les lots pleuvent, comme tout le monde nous vend des affaires, tout le monde a des choses à vendre, tout le monde décide de vendre sa collection présentement, je sais pas pourquoi, fait qu'on achète beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. On a l'équivalent du magasin dans le sous-sol, tu sais, comme c'est pas mêlant, là, on a deux inventaires, on pourrait faire deux magasins complets très facilement. Donc, on n'a pas le temps, même pas de processer tout ça. Donc, tout ce qu'on a acheté à Max, c'est plein de belles affaires. Tu sais, il y a des jeux à 300$, comme on pitchait sa pile en bas, on n'a pas le temps de s'en occuper, tu sais, comme il y en a trop. Fait que dans le fond, de la façon qu'on fonctionne, vous l'avez remarqué si vous suivez notre page Facebook. À tous les jours, on choisit un type de console, puis on fait une batch de ces jeux-là. Tu sais, en début de semaine, souvent, c'est le Xbox, c'est le PS2. Aujourd'hui, on va faire du PS2. Vers la fin de la semaine, là, on sort les plus gros canons. Le jeudi, pour la paye, hein, on sort le GameCube. Le beau GameCube. Non, mais c'est le même qu'on roule. Et puis, c'est ça. Donc, on a vraiment beaucoup de stock, puis on n'a pas le temps de processer. Fait que tout le lot à max, il est dans la cave. Puis, on en fait des bouts ici et là. Puis, là-dedans, je me suis gardé, entre autres, un rutilant. Ben, là, il est dans un plastique en plus. Il y a du flair. Donc, une boîte et livret de Balloon Kid. En fait, il y avait déjà un livret dedans qui était pas beau. Et puis, chez Retro MTL, dans la cave, on a des milliers de livrets pour toutes les consoles. Et on avait plusieurs livrets de Balloon Kid. Alors, je m'en suis pris une plus belle copie. Là, attention, parce qu'il y a un piège. Ça, c'est la boîte canadienne, donc bilingue, comme vous pouvez voir juste là. Alors, si je fais un switch de livret, il faut que je remette un livret bilingue là-dedans. Et techniquement, dans mon set Game Boy, pour matcher la boîte, ça me prendrait la version canadienne. Donc, au lieu que ça soit écrit USA, là, sur le side ici. Au lieu que ça soit écrit USA, ici, dans le focus qui se fait pas, en tout cas, c'est écrit Can. R-1. Donc là, pour que, tu sais, parce que j'ai pas un CIB si j'ai un jeu US dans une boîte canadienne. Mais j'aime pas ça avoir le stock canadien. Mais en même temps, ici, au Canada, c'est pas mal rien que des boîtes canadiennes qu'on a pour les jeux, surtout publiés par Nintendo. Les third party prenaient pas le temps de faire des boîtes bilingues et tout. Mais Nintendo le faisait. Alors, tout ce qui est Mario, Donkey Kong, Zelda, il y a plein de boîtes. Les boîtes qu'on a ici sont bilingues. Donc, les livrets sont bilingues, tout est bilingue. Et puis, sur le label des cassettes, le code, c'est Canada. Alors là, ça me met dans une position très gênante de comment je vais gérer ça. Je sais pas, peut-être garder les deux, en fait. Ça serait la chose à faire. Donc, je vais mettre là-dedans un jeu canadien. Et puis, dans ma collection de loose, je vais mettre un jeu US. C'est bon, ça? On va faire ça. Si tout le monde est d'accord, c'est ce qu'on va faire. Max, il y avait du beau Super Nintendo aussi, puis ça, c'était un des jeux qui restait dans ma très mince wishlist. Il s'agit de Legend de Kemco Seika, maintenant Seika au Super Nintendo. Comme, je sais pas, hein, c'est comme Kemco, au NES, il y avait Kemco Seika. On pense au jeu Rescue by Desert Commander, Bugs Bunny Birdie Blowout, Bugs Bunny Crazy Castle et tous les jeux qui ont un genre de triangle aussi dans le visuel. Et puis au Super NES, ça s'est séparé. Il y a des jeux de Kemco comme Top Gear et il y a des jeux de Seika comme ça, ou bien Turrican, des affaires là. Alors, Seika, ici, un jeu qui s'appelle Legion, simplement. Legion. Et puis, c'est un beat'em up, assez slow-mo quand même, mais au début, j'avais essayé un peu, j'aimais pas trop. Finalement, j'ai réessayé un petit peu plus, puis là, j'ai commencé à aimer ça un peu. Fait que là, c'était juste assez aimé comme pour vouloir l'avoir dans ma collection. Alors, il était là, je l'ai pris. Puis vu que ça venait d'un lot, ben, je l'ai payé quand même moins cher qu'à la normale. Ça, c'est quand même un jeu qui vaut une centaine de dollars, je pense, par les temps qui courent. Donc, très content d'avoir ça. Et puis, dernière chose, dans les jeux neufs, bien sûr, très facile, le Hotline Miami qu'on a reçu chez Retro MTL. Il nous en reste plusieurs copies, d'ailleurs, en passant. Si vous avez jamais joué à ça, là, c'est bon, ça, c'est fourette. Ça, moi, c'est dans mes top jeux. J'adore ça, la musique, l'agressivité de ça. Je pense que je vais le déballer et je vais jouer. J'ai envie de tuer. Mais allez voir du gameplay si vous ne savez pas ce que c'est. Hotline Miami, c'est vraiment de la bombe. Moi, j'ai joué à ça sur Vita quand c'est sorti et puis je trippais ma vie. C'est top-down. C'est un jeu. Il faut que tu tues tout le monde dans une pièce, dans le fond, dans un environnement donné. Et puis, tu utilises des armes contondantes et puis des guns et puis des coups de poing. Bref, c'est fucké. Mais c'est hot, c'est un beau mélange violent de fucked up, c'est parfait, là. C'est une œuvre d'art, moi j'adore ça. Et puis, j'ai beaucoup d'affaires en fait qui attendent, qui sont supposées s'en venir sur Switch pour moi. World of Goo, j'ai hâte de recevoir ça dans la malle, ça ne saurait tarder. Qui était un gros hit ça sur la Wii dans le temps, qui ont sorti sur tablette, je le savais même pas. Puis là, quand j'ai vu qu'ils faisaient une version Switch, j'étais tout excité, fait que j'ai commandé ça. Xenocrisis, j'attends ça. Au magasin, il y a une compilation Mighty Switch Force Collection, j'attends ça. Le nouveau Shantae, j'attends ça. Mon Streets of Rage 4 devrait arriver bientôt. J'ai plein de jeux dans le collimateur. Là. J'ai vu aussi, je viens de voir ça, sur Playgia, Mr. Driller Drill Land, qui est le jeu GameCube, en fait, qu'on fait pour la Switch. Alors, ça, je veux ça aussi. On check avec nos fournisseurs. Je pense qu'il y a deux versions. Il y en a une version. Les deux versions se jouent en anglais. C'est juste qu'il y en a une, le cover, c'est écrit en japonais. Le Drill End est écrit en japonais. Puis l'autre, c'est écrit en anglais, là, tu sais. Un peu comme pour Ninja Savior Return of the Warriors, là. Il y avait une version comme plus en japonaise, puis une version plus anglaise. Bref, c'est ça. C'est la même affaire, c'est le même jeu. C'est pareil. C'est juste le cover qui diffère. Donc, j'aimerais bien avoir ça. Je vais checker ça tranquillement. Ma collection Switch est vraiment en tête. J'aimerais ça que Pure Gaming ait une section Switch dans leur application. J'ai le groupe Facebook de jeux Switch physique que je fréquente. J'ai vu qu'il y a un livre qui existe qui s'appelle Physical Switch Games, je sais pas quoi. Genre de compilation dans un livre de tous les jeux Switch physiques qui existent. Donc il y a le volume 1, Puis là, qui couvre la première année de la Switch. Et puis là, ben, j'imagine qu'à chaque année, ils vont faire un volume. Donc, ça peut être un database intéressant. Mais personnellement, j'aimerais mieux qu'il y ait un database online. Ça m'aiderait à suivre un peu. Mais ouais, là, j'achète les jeux Switch comme ça que j'aime et que je joue même pas parce que j'ai pas le temps, mais je vais jouer à un moment donné. Ça, c'est le même que ça fonctionne. Mais j'aime ça, ramasser les jeux de cette console-là. Puis je vais faire un peu de ménage aussi. Je garde pas tout, pour être franc. Des jeux comme Cinemora, j'ai vendu. Je vais sûrement me débarrasser des Pokémon bientôt parce qu'on dirait que mes enfants joueront plus. Salt and Sanctuary, je trouve que c'est vraiment laid. Trop laid. Tu sais, ça me dérange pas les jeux pas beaux d'habitude, mais ça, c'est atroce. J'arrive pas à me mettre à jouer à ça, là. J'aime pas ça. Runner aussi, que je trouve très cool, mais je me rends compte que c'est pas tant mon style, puis que j'ai pas la patience de gosser sur des jeux de rythme de ce style-là. Donc, c'est ça. Je travaille sur ma collection Switch aussi. Je pense que je vais vendre beaucoup de mon Genesis. J'ai quoi présentement? Une douzaine de jeux de Genesis complets en boîte, en parfaite condition. Je pense que je vais réduire ça à genre 4 jeux ou 5 jeux. Parce que anyway, j'ai ma Mega SD là, donc je continue à faire du ménage. J'ai un très gros jeu Saturn. Il n'est pas ici présentement. Donc un jeu qui vaut à peu près 1000$ puis que finalement j'aime pas bien. Je trouve le gameplay, j'aime pas ça. Donc je pense que je vais le vendre. Je vais jouer un peu avec une couple de jeux PS1 que j'ai acquis dernièrement. Si c'est pas bon, je vais vendre ça aussi. Je vais peut-être débarrasser mon léger Vision. Quasiment avant Vectrex aussi. Je suis vraiment dans un mood, là, genre... du ménage, là, tu sais. Je me sens même mal de le dire, mais ça se pourrait que j'annule ma précommande d'Amico. Puis que je vende tout mon kit d'intellivision. Je sais pas encore, là, tu sais. Parce que j'attends ma console Phoenix de Collector Vision qui va faire toute la job du Coleco. J'ai acheté aussi une super manette de la NTT Data, je sais pas quoi. Une manette de Super Famicom japonaise sur laquelle il y a un clavier à boutons. Fait que dans le fond, cette manette-là se branche sur le port Super Nintendo qu'il y a sur la Phoenix, parce qu'il y en a un port. Et puis, les boutons remplacent parfaitement le clavier d'une manette Coleco. Ainsi, tu peux jouer au Coleco avec un D-pad et des boutons, et ton clavier là aussi pour faire tes sélections. Crime, c'est parfait, là. J'ai tellement hâte d'essayer ça. J'ai tellement hâte de recevoir ma Collector Vision avec ma manette, avec mon EverDrive. Là, je vais être comme backé dans le Coleco, tout Coleco dans cette petite machine-là. Et puis, il la discontinue. Il n'y en aura plus, ils ne vont plus en produire des Collector Vision, des Phoenix de Collector Vision. Mais par contre, ils veulent faire des modules adapteurs. Ainsi, de cette Phoenix-là, tu vas pouvoir brancher un adapteur Intellivision et un adapteur Atari 2600. Donc, avec cette machine-là qui se branche HDMI dans ma TV, Colin, je vais pouvoir avoir toutes ces trois consoles pré-NES-là que j'aime bien dans un appareil, dans ma télé HD, t'sais. Donc ça m'excite beaucoup, ça, parce que je pense que je vendrai mon Coleco, je vendrai mon Intellivision, parce que j'ai les flashcards. J'ai un Atari 7800, par exemple, ça, je pense que je le garderai. Parce que je vais peut-être acheter une couple de jeux Atari 7800, là, comme Food Fight, Robotron, des affaires de même, des petits jeux que j'ai hackers que je trouve nice. Parce que ça n'existe pas encore, la compile, la flashcard d'Atari 7800. C'est supposé se faire, mais elle n'est pas là encore. J'ai aussi un Atari Jaguar qui n'a plus de jeu. J'attendais la flashcard aussi. Je dis tout le temps flashcard ou EverDrive, en tout cas, il faudrait qu'on me dise c'est quoi le vrai bon terme. Bref, j'attends. Je suis supposé attendre ça aussi, mais ça arrive pas. Fait que ça se pourrait que je me décourage et que je vende ma Jaguar finalement. Moi qui étais un grand défendeur de Jaguar. Je vieillis, puis j'ai trop d'objets, puis je veux récupérer cet argent-là. Fait que, en tout cas, c'est des questions que je me pose. Mais sachez quand même que je collectionne très solidement encore plein d'affaires. Ben trop d'affaires, en fait. Donc, c'est ça. J'ai découvert un podcast aussi que je veux vous mentionner qui s'appelle... j'ai découvert ça dernièrement, qui s'appelle The Collector's Quest. Et puis, il y a 156 épisodes à ce que je vois. Je viens de découvrir ça, là. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est vraiment un podcast de collection. C'est des gens qui collectionnent les jeux, puis ils font des épisodes très anal, genre sur les plusieurs labels, mettons, de si, ou ben qu'est-ce qui te dérange quand tu classes tes jeux, tu sais. C'est tout par rapport à la collection. Puis ça me parle beaucoup. Moi, j'aime ça. Moi, je comme je dis souvent, on dirait que je collectionne plus que je joue, tu sais, comme je maintiens ça, je classe ça, je fais du ménage, tu sais, puis oui, je joue autant que je peux, mais c'est quand même le fun de juste comme prendre soin de tes affaires, les reclasser, faire des sheets, faire des, tu sais, comme s'assurer que tout est tight. Donc, très bon feeling, sérieux, j'aime beaucoup ça. Et puis, ce podcast-là parle de ça, alors allez voir. Ça, je dis pas que c'est bon, j'ai écouté 2 épisodes et demi à peu près, mais je commence à prendre le rythme puis à apprécier. Donc, voilà. Et puis, je joue à rien vraiment de digne de mention ces temps-ci. J'avais besoin de légèreté dans ma vie. Puis de pas me casser la tête, alors j'ai sorti Zero Drifter que j'ai acheté, je vous ai montré en dernier épisode. Et puis j'ai déjà quasiment fini, je pense que c'est vraiment un jeu de 2-3 heures. Peut-être un peu plus si tu prends le temps de tout ramasser, fait que non, je joue pas ben ces temps-ci. Il fait beau dehors, j'étais occupé, donc c'est bien correct, je jouerai plus tard. Donc voilà, c'est un peu un genre d'épisode de... Mise à jour, encore une fois, de ma vie. Ben, c'est pas mal tout le temps ça, les épisodes, en fait. C'est moi qui parle de moi. Mais je suis seul, qu'est-ce que je fasse? Mais là, on peut recevoir du monde. Je devrais essayer de planifier ça bientôt. Faudrait que ça se passe de soir. Mais on va voir une chose à la fois. Déjà, j'ai reçu des amis ici il y a 2 semaines. Martin et Michael, Baroque Larouche, sont venus chez moi pour qu'on fasse Mega Man X3. Donc, jeu que je possède depuis longtemps, complet en boîte, puis que j'avais jamais touché. Alors, shame on me. Mes amis sont venus un samedi soir, puis on a batté ça, donc c'était parfait. Alors, j'inviterai d'autres personnes. Peut-être que je pourrais faire un petit stream avec Michael ou quelque chose. On verra bien. Une chose à la fois. Donc là, c'était la réouverture, et là, c'est le travail. Je veux travailler, puis gérer ma vie. Il y a encore des travaux chez nous, en passant. Il y a beaucoup de travaux, comme on refait tout le salon, on repeinture le salon. Les galeries en avant vont être refaites probablement à partir de lundi prochain. Toutes les clôtures en arrière. On a fait couper 2 arbres. Là, il faut que je gère ça. Fait que, donc, il y a beaucoup de travaux autour de la maison aussi qui me gardent occupé. Donc, mais je me plaindrai pas. J'ai tellement été pas occupé au début de la COVID et tout. Là, ça me fait justement du bien de bouger et puis de me changer les idées et d'avoir des buts d'envie et d'essayer d'avancer. Donc voilà, merci beaucoup de m'écouter me plaindre comme ça. Ça fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui écoutent ça. Non, mais c'est vrai, d'après mes... si je fais une moyenne à peu près de ce que je vois sur mes stats sur YouTube et puis la version juste audio, je pense qu'il y a à peu près 500 personnes qui écoutent, donc c'est bien. C'est le fun qu'il y ait 500 personnes en avant de moi ici présentement. Merci à toutes ces personnes qui écoutent mon show. C'est très, très, très apprécié. Et puis, merci à mes Patreons, bien sûr, qui m'encouragent. Je vous adore. Vous êtes vraiment cool. Et puis, merci à tous ceux qui encouragent mes projets en général. Très apprécié. Donc, c'est un au revoir pour ce matin. Il est 9h30, puis il faut que j'en fourche mon rutilant vieux vélo pour aller travailler à Shop à cassette et puis torcher du PS2 puis rentrer ça en ligne. Donc, une vie de rêve quand même. Payé pour ça, moi. Donc, on se voit très bientôt, chers amis, et puis prenez soin de vous.